Regarde, là, c'est Amina, c'est ma belle-sœur. Elle est togolaise. Les filles là, elles sont géniales, ce sont mes cousines. Et à côté, c'est Roméo, il est italien. C'est un ami du marié. Et là, les deux garçons? Ce sont mes neveux, ils sont très sympathiques. Et devant, c'est ma fille de 8 ans. Elle est grande!